Allô? Salut, c'est Camille. Tu veux faire une promenade dans le jardin des Tuileries? Oui, je veux bien. Quand? Je regarde. Samedi à 10h? D'accord. Et le soir? Qu'est-ce que tu fais? Le soir? Je vais au ciné avec Lara. Tu viens avec nous? Avec vous? Non, désolée, je ne veux pas venir. J'aime le ciné, mais je n'aime pas Clara. Bon, ok. Alors, à samedi matin pour la promenade. Ok, bise.